était minuit quand j'ai compris que j'aurais dû essayer de te garder. Il était trop tard, Cathy, quand j'ai su que je t'aimais, que je t'aimais. J'ai pas compris tout de suite que le bonheur était là, tout près de moi. Je ne savais pas, Cathy, qu'il était là avec toi. Oui, avec toi. Si t'es pas raison, dès que minuit sonne, oh, minuit sonne. Comme un goût de regret, goût de croisant.